Les virus, leur stratégie, c'est de rentrer dans une cellule, de se multiplier de façon très importante, et vous avez des millions de virus qui vont ressortir de cette cellule qui a été infectée et qui vont aller infecter d'autres cellules à côté. Yeah. Donne-moi des gros sous, je ferai l'impasse sur ta vie de château. Je veux faire des gosses, avoir un paf quand t'as un câble, sors ses griffes, chaton. Au sens les crimes partout, offense et crise. Alors je suis venu crier que la politique c'est que de la sorcellerie de Babtou. Relève ton putain de front sur les causes internationales. T'as rien compris que t'es voté Macron au Front National. Tu t'isoles quand tu comprends plus les gens. Mis sur la confiance en ta chance face à un lobby qui vendra ton âme. Paraît qu'il y a des complots et des légendes. Et c'est que t'as tous poids sur ton dos, c'est pour qu'ils blissent, puissent mieux te péter les jambes. Masturbation collective et théorie du genre, j'ai de la peine pour les qu'on condamne à cette ironie du sort. Et je me fais croire que je chante quelque chose avec mon slip du soir. Malade imaginaire comme quand tu vides le rayon bière du spa. Parce qu'on se crée tous un bonheur illusoire. Chacun sa route et son espace. Là j'ai plus le temps, j'ai encore fait pourquoi du sort. Pourquoi toutes ces règles, la boule au ventre et l'arrogance sereine. On a des rochers dans les poches et on repense le règne. Loin de ce virus qui crée les classes pour les décimer. Défaite à la pyrrhus pour qui voudra le défier. Pourquoi toutes ces règles, la boule au ventre et l'arrogance sereine. On a des rochers dans les poches et on repense le règne. Loin de ce virus qui crée les classes. J'suis pas de cette ou gosse de riche, pourtant j'suis souvent sur la paille. S'ils ont syndrome des boîtes de nuit, moi charbonne de nuit pour la maille. T'as plus l'âge des tours de manège, ni de vendre de la comme en détail. Ils sont tous perdus dans la neige, un peu comme l'homme néandertal. Des fois ça passe, des fois la boîte s'en charge. Des poulets au père star, tu feras le poisson chasse en tournée au bercail. Devant un mur depuis le placenta. Ce que la matrice génère, merde, dégénéré, dangereux attentat. Merde, t'attends quoi que tu sois de la ville ou de la pampa. Ces fils de pute font style de ne pas entendre les siffler derrière la fanfare. Vénère, je leur casse la tête dès que je parle, sont trop guélards, c'est clair. Préférez que je me passe de telles histoires, histoire de passer de l'air. Des châteaux de sable, je te laisse avec ta pelle et ton seau. Toutes ces relations falses, c'est comme celui que t'appelais ton seau sous ta belle. Me demande pas pourquoi t'en d'aile. Malgré tout de l'amour, j'en donne VR, ils ont cru que j'étais dead, motherfucker. Pourquoi suivre toutes ces règles, la boule au ventre et l'arrogance sereine. On a des rochers dans les poches et on repense le règne. Ce virus qui crée les classes pour les décimer. Défaite à la pyrrhus pour qui voudra le défier. Pourquoi suivre toutes ces règles, la boule au ventre et l'arrogance sereine. On a des rochers dans les poches et on repense le règne. Loin de ce virus qui crée les classes pour les décimer. Défaite à la pyrrhus pour qui voudra le défier. Allons enfants de la bâtisse. Le jour de paix est arrivé, faut que les anciens du régime on les fasse tomber du sommet. Faut qu'on ne ménage pas l'effort, la sueur doit être de rigueur. Le mot terre à l'essence humaine et que la force soit en vigueur. Faut qu'ils ne puissent pas se retrancher dans des bunkers protégés de blindage. Qu'ils connaissent au moins une fois dans leur vie ce qu'est le lynchage, hein. Qu'ils en chient, qu'ils comprennent ce qu'on ressent. Qu'on n'achète pas n'importe quelle vie au prix de celle d'un frère de sang. Mais sans les sous, c'est assuré de perdre. Car ceux qui te prélèvent à la source sont les mêmes qui te foutent dans la merde. Bientôt j'ai rendez-vous avec le percepteur. Viens gagner qu'est ta mère, la foi grandit et fait que je perds cette peur. Les financer les lois sans te masque pour leur vice. À l'heure où je te parle, ils ont déjà déterré Elvis. L'État, c'est comme Laetitia face à Nora et David. Les rapides, le navire, le temps s'efface, t'inquiète, il aura vite ta. Pourquoi suivre toutes ces règles, la boule au ventre et l'arrogance sereine. On a des rochers dans les poches et on repense le règne. Loin de ce virus qui crée les classes pour les décimer. Défaite à la pyrrhus pour qui voudra le défier. Pourquoi suivre toutes ces règles, la boule au ventre et l'arrogance sereine. On a des rochers dans les poches et on repense le règne. Loin de ce virus qui crée les classes pour les décimer. Défaite à la pyrrhus pour qui voudra le défier. Je rappe comme si c'était la dernière fois. Je rappe sous ma dernière étoile car en la terre mère je crois. Et tous les chemins de ta vie se rejoignent sous ta paire d'air max. Aucune chance en vue d'avance, il faudra faire l'exploit. Pareil que c'est mal de penser par soi-même. Mal ça pas très clean, faudrait rentrer dans les rangs ou s'écraser comme l'Indien d'Amérique milite. Tu veux du changement, vote à l'extrême droite. T'as rien de serve les pansements qu'on se tape que ton anus. C'est vraiment très étroit, nous. On a la maladie de la vérité. Les égosies sont des boucles infernales. Depuis que leur propos reste à vérifier. Les vraies valeurs se font rares comme une pucelle sur les quais. Rare à l'instar de ma voix sur un putain de son de l'été. Attache ta ceinture de sécurité sociale. Je prends pas la grosse tête comme Bouffard, Cocktail et Costa. Laissez-moi me shooter à la panacée. Allons faire le tri dans nos vices, refaire le monde, on en reparlera après. Pourquoi suivre toutes ces règles, la boule au ventre et l'arrogance sereine. On a des rochers dans les poches et on repense le règne. Loin de ce virus qui crée les classes pour les décimer. Défaite à la pyrrhus pour qui voudra le défier. Pourquoi suivre toutes ces règles, la boule au ventre et l'arrogance sereine. On a des rochers dans les poches et on repense le règne. Loin de ce virus qui crée les classes pour les décimer.